Chapitre 24. Et les prêtres allèrent au temple à l'heure de la salutation. Et Zacharie ne fut pas au-devant d'eux pour leur donner la bénédiction suivant l'usage. Ne le voyant pas paraître, ils craignaient d'entrer. L'un d'eux, plus hardi que les autres, entra, et il revint annoncer aux prêtres que Zacharie avait été tué. Ils entrèrent alors, et ils virent ce qui avait été commis, et les lambris du temple poussaient des hurlements, et ils étaient fendus depuis le haut jusqu'en bas. Son corps ne fut pas trouvé, mais son sang formait, dans le vestibule du temple, une masse semblable à une pierre. Et ils sortirent épouvantés, et ils annoncèrent au peuple que Zacharie avait été tué. Et les tribus du peuple le pleurèrent 3 jours et 3 nuits. Après ces 3 jours, les prêtres se réunirent pour désigner quelqu'un qui le remplaça. Et le sort tomba sur Siméon. Et il lui avait été annoncé par l'Esprit Saint qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ. Chapitre 25. Moi, Jacques, qui ai écrit cette histoire, je me retirai dans le désert lors d'une sédition que suscita à Jérusalem un certain Hérode, et je ne revins que lorsque le tumulte fut apaisé. Je glorifie Dieu qui m'a donné la charge d'écrire cette histoire. Que la grâce soit avec ceux qui craignent notre Seigneur Jésus-Christ, auquel gloire et puissance avec le Père éternel et le Saint-Esprit vivifiant, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Thank you.